La 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung aura lieu dans la capitale Pyongyang à partir du 26 août de l'an 105 du juillet 2016, selon l'annonce publiée le 12 par son comité central. La conférence dressera le bilan des succès et des expériences de l'Union et portera sur des questions posées pour renforcer davantage l'Union de la jeunesse comme troupe de réserve, avant-garde et flanc-garde crédible du Parti travail de Corée, selon l'exigence de l'esprit essentiel du 7e congrès du parti.